Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale. C'est une course très réputée, très médiatisée. Mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile, c'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre deux skippers et de mettre le cap sur le Vendée Globe 2020. Je suis Benjamin Dutreux et je suis skipper du bateau Water Family. Je m'appelle Sébastien Simon et je suis skipper de l'Imoca Arkea Paprec. Je m'appelle Alexis Raison, je suis journaliste et j'ai la chance d'être avec Benjamin et Sébastien pour le 4e épisode de ce podcast. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter ce mois-ci, c'est une histoire de copains, c'est une histoire de Vendéens du Vendée Globe, c'est une histoire de rêves d'enfants sur le point de se concrétiser. Deux skippers, tout juste trentenaires, qui vont découvrir le 8 novembre prochain la course à laquelle ils rêvent de participer depuis toujours. Salut Sébastien. Bonjour. Salut Benjamin. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve ici au Sable d'Olonne, en terre de Vendée Globe, pour enregistrer ce podcast, pour raconter cette nouvelle histoire passionnante qui va forcément beaucoup parler aux Vendéens, mais pas seulement. Il y a beaucoup à raconter autour de vous, autour de vos projets, autour de vos ambitions. Je vais vous présenter rapidement, mais comme vous vous connaissez bien aussi, je vais surtout vous demander de vous décrire mutuellement juste après. Benjamin, toi tu es originaire de l'Île-Dieu, une des îles du littoral vendéen. Cette identité vendéenne te tient à cœur puisque tu as décidé de baser ton projet Vendée Globe ici au Sable d'Olonne. Du moins le bateau est au sable et le projet, les locaux de ton team sont à la Motte à Char, je crois, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et donc dans quelques mois, tu vas participer à ton tout premier Vendée Globe sur ton bateau Water Family. Sébastien, si je te demande de compléter cette petite présentation de Benjamin, comment tu le qualifierais, comment tu le décrirais peut-être un peu plus personnellement ? Bon, Benjamin, comment dire, il est toujours en retard. Il était voilà à l'heure aujourd'hui. On va commencer par le décrire. Benjamin, oui, ça fait, on a quand même une passion en commun, on a des amis en commun, et puis à chaque fois que je reviens moi en Vendée ici, parce que je suis quand même la plupart du temps basé en Bretagne, même si mon cœur est en Vendée. En tout cas, dès que je reviens ici, on a l'occasion de sortir tous les deux, de discuter, de se changer un peu les idées aussi. Moi, ça me fait beaucoup de bien, parce que sinon, je suis tout le temps dans mon environnement auprès de mon team, donc ça me fait du bien de changer d'air un petit peu. Et en plus, très vite, on se retrouve des points communs, puisque forcément, on a tous les deux la même passion. Et puis, on habite tous les deux près de la mer, ici, au Sable d'Olonne, avec nos amis communs. Voilà. Et donc Sébastien, toi, tu es né à La Roche-sur-Yon. Et donc, tu l'as dit, aujourd'hui, tu partages ta vie entre les sables et le Finistère, puisque c'est à Port-la-Forêt que ton projet est installé. Ton projet, justement, tu fais partie, toi, d'une structure. On aura l'occasion d'en reparler. Un projet un peu plus encadré, avec une sorte d'écurie autour de toi. Un palmarès déjà assez étoffé, vainqueur notamment de la solitaire du Figaro en 2018. Puis en 2019, dès ta première année en IMOCA, la catégorie de bateau du Vendée Globe t'a confirmé en réalisant une super saison, notamment en double avec ton mentor Vincent Rioux, mais ça aussi on y reviendra. Benjamin, quel regard tu portes sur le parcours et la personnalité de Seb ? Je pense que son parcours, tu viens de le définir, c'est quelqu'un de talentueux, quoi. Un très bon marin, mais nous on a une relation qui n'est pas uniquement basée sur les copains du bateau, on va dire. On a été aussi... ensemble en tant copain dans la vie, voilà. Et donc la manière dont je peux le décrire, c'est de dire que voilà, je suis content d'avoir un copain qui fait du bateau, avec qui on peut parler de bateau, mais on parle pas que de bateau aussi également. Et ça c'est fait toujours, c'est jamais facile en tout cas quand on est dans le milieu de parler d'autre chose que du bateau. Et voilà, là c'est quelqu'un avec qui on peut parler aussi d'autre chose que du bateau. De quoi par exemple? De tout, de la vie en général, ouais. Quoi. Vous partagez d'autres passions communes autres que la voile? On partage beaucoup de passions communes autour de la mer, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis après, on maîtrise pas trop dans la vie, avec qui on va avoir des affinités ou pas. C'est les rencontres qui font que... Parlons-en du coup de cette rencontre, c'est donc à l'université de Nantes que vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Ouais, assez étonnamment, en fait, on a nos deux lycées qui étaient à... une centaine de mètres, je crois, à peu près. Donc au sable? Au sable, ouais. Et on s'est retrouvés, on s'était jamais vraiment rencontrés. Okay. Sous peut-être croisés en soirée, on sait pas trop. Et donc du coup, on s'est retrouvés à l'IUT, à tisser des liens avec notamment aussi Marc Noesmoen, qui est un bon copain à nous. Et voilà, la rencontre a fait que... bah, justement des affinités se sont créées et puis depuis bah, on a toujours été assez proches quoi. L'IUT c'était un UT de quoi? Science et génie des matériaux. Vous avez tous les deux un profil de skipper ingénieur, un côté très technique tous les deux. Sébastien, j'imagine que, ce cursus t'a pas mal aidé dans tout le processus de construction de ton bateau. Oui, c'est sûr. Bah, moi, quand j'ai fait mon IUT puis mon école d'ingénieur, je ne m'attendais pas forcément à avoir des projets comme ceux-là. Donc voilà, pour moi, c'est une vraie chance, j'en ai bien conscience. J'ai su saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Après, le fait d'être ingénieur, je pense que oui, effectivement, ça m'aide, mais bon, ça fait pas tout. Hein. Y a beaucoup de marins qui sont autodidactes, qui apprennent voilà, au fil du temps, etc. Et de toute façon, je pense que dans ces projets de grande envergure comme le Vendée Globe, il faut savoir bien s'entourer. C'est aussi des projets d'entreprise, hein, c'est des projets entrepreneuriaux. Donc tout seul, on n'y arrive pas. On est toute une équipe, même si on navigue en solitaire. C'est un peu ça la particularité de nos projets. Ça reste avant tout des projets humains, je pense. Donc c'est sûr que le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, je pense que ça m'a appris à m'organiser. Et puis c'est peut-être aussi ce qui a fait que moi je voyais ce projet Vendée Globe avec la construction d'un bateau et un projet sportivement ambitieux. Et voilà, j'ai eu des partenaires depuis le Figaro qui ont décidé de m'accompagner, qui ont cru en moi et puis qui m'ont laissé la possibilité de vivre mon rêve. Donc tout de suite, dès que j'ai senti que ça accrochait, je me suis entouré de Vincent Rioux pour m'aider à concevoir et à construire un bateau. J'y ai entièrement participé hein, avec une équipe de quasi 34 personnes dans les ateliers de Vincent Rioux. C'était une étape passionnante de ma vie. En tout cas, je pense que si j'ai l'opportunité de recommencer, je le ferai. Mais voilà, maintenant, j'entame déjà la deuxième partie de mon rêve, qui est le fait de faire le tour du monde sur ce bateau. Bien sûr. Benjamin, toi aussi, ce profil de skipper ingénieur, tu as travaillé longtemps chez Sirena, un constructeur de voiliers. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas. En fait, avec Seb, justement, c'est là où on s'est un peu quitté. Enfin, on est toujours resté amis, mais. Mais du coup, moi, les chemins se sont un peu séparés. Voilà, c'est ça. Seb est parti dans son école d'ingé à Bordeaux, et puis moi, du coup, j'ai entamé ma carrière professionnelle, enfin ma vie professionnelle dans une petite structure qui vendait des catamarans de sport, donc chez Sirena. Là, je faisais un peu le lien entre l'architecte et le commercial pour concevoir des bateaux qui soient le plus pertinent possible pour le cahier des charges, quoi. J'ai quand même passé 4 ans dans cette boîte. C'était très très enrichissant parce que j'ai eu l'occasion de bosser avec un architecte naval, Yves Laudet, qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis aussi appris beaucoup de choses dans la gestion d'une entreprise avec les dirigeants. Donc c'était quand même quelque chose pour moi qui était très formateur. À la fois techniquement et en gestion de projet, ça, c'est des choses qui te servent encore aujourd'hui? Ouais, c'est des choses qui m'ont énormément servi parce qu'en gestion de projet, du coup, vu qu'on était une petite entreprise de 10 personnes, ça nous a permis, moi ça m'a permis en tout cas d'être très impliqué aussi dans la gestion de la boîte avec eux et du coup, et de voir déjà comment ça fonctionnait. Donc ça, c'était très intéressant. Et après, voilà, le tournant vers la course large s'est fait une année après Seb. Seb avait gagné la sélection Bretagne Crédit Mutuel. Donc c'est 2014 pour Seb, 2015 ouais, pour toi, c'est ça? C'est ça, et puis moi j'ai commencé à naviguer du coup avec le team Vendée Formation en J80, et voilà, et quand ils m'ont annoncé, quand ils m'ont proposé de prendre la barre du bateau en 2015 du Figaro, et ben c'était pour moi pas forcément prévu, mais voilà, c'était une bonne direction, et voilà, je m'y suis mis à fond, et en plus c'était assez marrant qu'on se retrouve tous les deux sur le circuit. Oui. Donc c'est la première fois que sportivement vous jusque là vos chemins personnels s'étaient croisés à plusieurs reprises, vos chemins de sportif, de coureur au large, c'était la première fois donc en 2015 quand t'es arrivé toi sur le circuit Figaro. Juste pour expliciter, c'est le circuit de monocoque qui sert souvent à faire ses armes pour les jeunes skippers et pas que, hein, mais tous les grands marins de la course au large sont passés par là. Ouais, les je dirais que c'est le karting avant la Formule 1. Oui, c'est ça, c'est l'excellente comparaison. Quasiment tous les pilotes de Formule 1 sont passés par le karting. Quasiment tous les skippers d'Imoca sont passés par le Figaro. Un autre point commun qui est beaucoup plus insolite, l'endroit où on enregistre aujourd'hui, donc c'est ta maison, Seb, et Benjamin a vécu dans cette maison par le passé, c'est ça? Oui, exactement. Bah, quand Benjamin faisait du Figaro, justement... on lui avait prêté, cette maison appartenait encore à ma famille, hein, et du coup on lui avait prêté cette maison. Il a vécu là pendant quasi 2 ans, je crois. que j'ai fini, qui était une maison de famille qui me tenait à cœur, que j'ai fini par acheter et rénover. Donc voilà, c'est encore, nos chemins se croisent encore à cet endroit-là. Et puis, mais bon, au final, nos projets sont quand même assez différents, parce que Benjamin a eu, on va dire, le courage d'entreprendre les choses par lui-même. Voilà, il a eu le courage de... Enfin, il était passionné, il a eu envie de monter ses projets de course au large. Donc, il a d'abord saisi une opportunité avec le Team Vendée, comme il l'a dit. Mais ensuite, il a quand même pris les choses à bras-le-corps et il s'est mouillé même personnellement, financièrement aussi, personnellement, pour vivre de son rêve. Moi, je n'aurais pas forcément eu ce courage-là, puisque voilà, moi, j'ai juste participé à une sélection que j'ai gagnée et qui m'a permis d'accéder au milieu de la course au large dans de très bonnes conditions. Donc, c'est une chance pour moi. Et forcément, là, on voit que Benjamin continue dans cette direction. Et c'est assez admirable parce qu'il y en a peu, il y en a beaucoup qui veulent faire le Vendée Globe. Il y en a peu qui ont le courage de mettre les deux pieds devant et d'y aller quand même. Vous avez voulu, souhaité, rêvé de faire le Vendée Globe depuis tout petit. Je ne sais pas à quand remontent vos premiers souvenirs de Vendée Globe. Si vous êtes nés tous les deux donc en mai et juin 1990, deux mois après l'arrivée du premier Vendée Globe. Donc du coup, c'est vos premiers souvenirs, c'est peut-être la troisième édition en 96 ou peut-être même la quatrième en 2000. Je pense que Seb elle doit avoir un souvenir d'avance sur moi, parce que moi je suis arrivé à l'Île-Dieu en 97. Donc voilà, moi je suis originaire du nord de la France quand même à la base. Donc après ça reste un rêve qui trotte dans la tête depuis très longtemps, à partir du moment où on commence à naviguer, etc., parce qu'on suit ça de près. De là à dire que c'était un objectif quand j'étais gamin, j'en suis pas si sûr, parce que je pensais jamais pouvoir. Je pensais jamais que c'était possible. Puis de toute façon, quand on est gamin, on sait pas si faire une nuit en mer, ça va nous plaire. On sait pas si. En fait, il faut faire les step by step. Étape par étape, ouais. Donc voilà. Seb, ton premier souvenir de Vendée Globe, tu le situes où ? Oh, bonne question, peut-être 96, c'est vrai, mais parce que mon père est d'abord passionné de voile et il a un bateau dans le port des Sables-d'Olonne et tous les étés il m'emmenait depuis que je suis tout petit. Alors là, pour le coup, je me souviens même pas de l'âge que j'avais, hein. Je devais avoir peut-être 2-3 ans, j'en sais rien, même peut-être avant. Il m'emmenait en croisière et donc tous les étés, j'ai ce souvenir de naviguer avec lui pendant une semaine, 10 jours entre Brest et Arcachon. Au début, j'étais pas forcément passionné de voile, ce qui m'intéressait c'était surtout de dormir dans le bateau, de rencontrer des gens au port, faire les manœuvres et tout, ça c'était quelque chose qui me bottait bien. Et passer du temps en mer, pas forcément, voilà, c'était juste les moments passés avec lui, etc. Et en fait, je me suis trouvé passionné de voile, surtout à l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé la compétition en optimiste. Et en fait, c'est surtout la compétition qui m'a vraiment donné le goût de la voile. Et, ça aurait pu être dans un autre sport, par exemple ? J'ai essayé plein d'autres sports avant, hein, le foot, le handball, le karaté, je sais plus, mais non, c'est vraiment la voile qui, je sais pas, à chaque fois il y a un feeling, on sent qu'on a quelques petites capacités. Et puis, donc quand j'ai commencé la voile à l'âge de 12 ans, j'ai commencé vraiment à suivre la course au large, notamment la solitaire du Figaro. Et je pense que le plus gros souvenir du Vendée Globe que j'ai, ça reste quand même le Vendée Globe 2012 avec l'arrivée de François Gabart et d'Armel Lecléache. Et ça, je m'en souviens très bien parce que j'étais en école d'ingénieur à ce moment-là. Et moi, je m'imaginais plutôt, je faisais pas de course au large encore, et je m'imaginais plutôt faire travailler dans une grosse entreprise d'aérospatiale ou d'aéronautique. Et un cursus assez standard en fait. Hein. Et je me souviens de l'arrivée de François, qui était un dimanche. Et je m'étais dit, et donc je voyais la foule qu'il y avait, c'était incroyable. T'étais sur place ? J'étais sur place. Et en fait, je savais qu'une heure et demie après ou deux heures après, il y avait Armel qui arrivait. En fait, j'ai vu la foule des Sables d'Olonne s'en aller. Et je dis, quoi, c'est pas possible. Il y aura personne pour l'arrivée d'Armel. On peut pas lui faire ça. Tant pis, je pars pas à Bordeaux, parce que le lundi, j'avais cours à Bordeaux. Et j'ai dit, je reste au Sable et je vais être là pour l'arrivée d'Armel. Et incroyable, une heure et demie ou deux heures et demie après, tout le monde était revenu au Sable. Je sais pas où les gens étaient passés. Et en fait, il y avait autant de monde pour l'arrivée d'Armel. Et donc ça, c'était un souvenir que je garde, parce qu'en plus, c'était une régate incroyable entre les deux, tout autour du monde. Et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la course au large. Ça a été le petit déclic. Voilà, sûrement un déclic. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, je me suis inscrit au Challenge Bretagne CMB pour faire du Figaro. Et puis ça a commencé là. Parce qu'entre 12 ans, tes premiers bords en optimiste, et 22 ans, cet âge-là, tu n'as jamais arrêté de faire de la voile. J'ai jamais arrêté de faire de la voile et je pensais plus à aller naviguer qu'aller à l'école, clairement. Mais pour autant, j'imaginais pas forcément faire de la course au large, même si au fur et à mesure, la passion est arrivée et l'envie d'en faire est arrivée. Mais c'était des projets qui me paraissaient un peu inaccessibles parce que sans doute un peu rêveur et je suis plutôt pragmatique, moi. Voilà, essayer de démarcher des partenaires et tout ça, ça me semblait pas trop concret. Et en fait, cette opportunité avec cette sélection Bretagne CMB a tout changé. Et donc, voilà. Et puis, ce Vendée Globe, en fait, ce qui m'a vraiment aussi donné envie, c'est que je trouve qu'à chaque départ, en fait, je ressentais comme une émotion qui était presque pesante. Et je ne sais pas si tout le monde est capable de ressentir ça, mais je me disais que si j'arrivais à la ressentir en étant juste spectateur, qu'est-ce que ça devait être en étant acteur de cette course ? Donc je me suis dit, pourquoi pas un jour, c'est vraiment un truc incroyable. Voilà. Ça veut dire que, on a parlé des arrivées de janvier 2013, ça veut dire aussi que tous les premiers dimanches de novembre, tous les 4 ans, tous les deux, vous n'imaginez pas être ailleurs qu'au Sable d'Olonne pour le départ, enfin, c'est un rendez-vous presque évident pour vous deux. Je dirais que oui, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a toute une festivité autour de cette course. C'est une fête populaire, c'est des bateaux technologiques. Il y a toute une ambiance aussi. Hein. Je me souviens qu'il y avait un bar où on était jeunes, on était au lycée. Alors, on ne se connaissait pas encore avec Dutreux, mais je suis sûr qu'on s'est au moins croisés là. Donc voilà, c'est forcément des souvenirs qu'on a et puis qui nous donnent envie d'y être aussi aujourd'hui. Bah, c'est vrai que c'est une grosse fête, en fait. Tous les lycéens ici, les gens attendent ça, s'y préparent. Voilà, c'est vraiment un moment en plus qui rassemble plein de gens, quoi. C'est-à-dire que ici, c'est un peu le deuxième été, quoi. Un peu comme le moment où on attend quand on est gamin et qu'on a des copains qui viennent en vacances un peu plus loin, etc. Et qu'on a toujours un contact avec eux, en fait. Et qu'en fait, on se rend compte que le Vendée Globe, ça va être le deuxième été où on va revoir tous les amis. Il revient que tous les 4 ans. Voilà, c'est tous les 4 ans. Mais du coup, la fête est d'autant plus folle. mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Les ressentis en fait, d'émotion sont plus forts que les images quand on assiste à un arrivée ou un départ de Vendée Globe, quoi. Je voudrais qu'on retourne un peu en arrière. 2004, Sébastien, donc c'est la victoire de Vincent Rioux sur le Vendée. Et c'est devenu un peu ton parrain en IMOCA aujourd'hui. Est-ce que tu as des souvenirs de... Est-ce que déjà c'était un peu une idole de jeunesse à l'époque ou pas plus que ça ? Mais à ce moment-là, je suivais que d'assez loin. J'étais plutôt concentré à faire ma navigation à moi, donc mes petites naves en optimiste. Mais c'est sûr que voilà, moi j'ai fait appel à Vincent parce que ces projets-là, c'est quand même des projets ambitieux d'un point de vue économique, mais aussi technologique. Et moi, quand j'ai commencé à démarcher mes partenaires pour ce projet Vendée Globe, j'avais 27 ans. Et je ne me voyais pas tout seul demander à mes partenaires « faites-moi confiance, je vais construire un bateau, je vais y aller ». En plus, voilà, d'édition en édition, les bateaux deviennent de plus en plus innovants, de plus en plus technologiques. Donc l'enjeu est beaucoup trop grand. Et il me fallait un crédit, une caution auprès de mes partenaires pour qu'ils me fassent confiance. Ils me faisaient confiance sur le plan sportif. Maintenant, c'est des vrais projets d'entreprise, clairement. Et je ne me voyais pas créer ma propre équipe, ma propre entreprise. Et puis gérer mes partenaires et tout le budget pour construire un bateau. Donc j'ai préféré faire appel à quelqu'un d'expérience. Qui au même moment, lui, Vincent Rioux, mettait un peu entre parenthèses sa carrière à lui de coureur au large pour justement encadrer des projets. Il a fait le Vendée Globe il y a 4 ans et ensuite il a fait 4 Vendée Globe et c'était un tournant de sa carrière pour lui aussi. Et c'était le moment pour lui de transmettre comme il le dit. Et donc voilà, c'est des choses qui font que ça tombe bien. Et en général, les nouveaux projets ambitieux comme celui que je peux porter, se font souvent avec un mentor. Voilà, ça se transmet au final de génération en génération. Et ce Vendée Globe, il y a 4 ans, donc il y avait Vincent Rioux dans le casting des skippers. Il y avait Benjamin Dutreux aussi, quelque part, sur le village, je crois. Tu as travaillé sur le Vendée Globe il y a 2016, c'est ça ? Oui, exact. Ouais, sur le Vendée Globe... Sur le Vendée Globe 2016, j'ai travaillé pour le Team Vendée, qui faisait des interventions pour le département. Donc c'est vrai que je présentais tous les skippers en fait avec Jacques Carès, qui lui présentait la course tous les soirs aux élus. Donc il y avait une salle pleine. C'est là qu'on voit que c'est dingue le Vendée Globe, c'est que ça attire tout le monde. Il y avait des élus de partout tout le temps. Et donc du coup ça a été pour moi. J'ai fait une présentation de chaque skipper, donc je connais. Je connais chaque palmarès. J'avoue que j'oublie vite quand même, mais je connais. J'avais mes petites fiches et je présentais vraiment chaque skipper en essayant de partager justement leur histoire et afin que chacun puisse les connaître et les suivre après. Et donc voilà, il y a 4 ans en tout cas, quand j'ai bossé pour le département, ils m'ont mis un petit challenge. J'aime bien travailler au challenge aussi, en disant bah, est-ce qu'on te voit au départ dans 4 ans quoi. Et j'avoue qu'avant ce moment-là, je me suis pas forcément posé la question. C'était improbable pour toi à ce moment-là ? Ouais, c'était pas vraiment probable. En fait, c'était plutôt une continuité de choses, ou pourquoi pas si l'opportunité se présentait. Mais, Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a 8 ans, c'était Morgan Lagravière qui occupait ce rôle sur le village, présentait les skippers pour le département, et il a fait le Vendée Globe 4 ans après. Et l'histoire se répète avec toi, du coup, il faudra surveiller qui... Oui, c'est ça, je sais pas qui va présenter les skippers cette année, mais... Mais oui, non, en tout cas, c'était un moment plutôt sympa. Et toi, Sébastien, il y a 4 ans, tu te trouvais où et dans quelles conditions ? C'était peut-être un peu plus ancré dans ta tête en 2016 que Benjamin ? Moi, il y a 4 ans, et j'étais déjà en train de commencer à parler à mes partenaires de projet Vendée Globe. Et du coup, je me souviens d'avoir invité le secrétaire général d'Arkéa une journée ici. Donc, il était venu avec sa famille. Il s'appelle Michel Ferrand. Et je suis toujours... Il est parti en retraite maintenant, mais je suis toujours très ami avec lui. En fait, ça a laissé un souvenir, je pense, impérissable dans les mémoires de Michel Ferrand. Et donc, à la suite du Vendée Globe, on a continué d'en parler et tout ça. Et puis, ça a mûri dans la tête des patrons d'Arkéa. Et puis ensuite de Jean-Pierre Denis, avec qui j'ai une très bonne relation, le président d'Arkéa. Et c'est comme ça que le projet s'est créé et s'est lancé. Donc, il y a 4 ans, j'avais déjà dans l'idée d'être au prochain Vendée Globe. Parce que tu as 2 sponsors, Arkéa et Paprec. Paprec qui a une histoire avec le Vendée Globe déjà par le passé, mais Arkéa, ça sera aussi son premier Vendée Globe. Et en fait, quand j'ai demandé à Jean-Pierre Denis de m'accompagner dans ce projet, ou au moins de m'ouvrir son carnet d'adresses, Jean-Pierre Denis, donc, qui est le président d'Arkéa, avec qui j'ai une super relation, une relation plutôt amicale que professionnelle, il m'a dit, écoute, moi je vais être honnête avec toi, on va pas y aller, mais par contre je vais t'aider à réaliser ce projet. C'était pas du tout dans l'esprit d'Arkéa de faire ce Vendée Globe, voilà. Donc il m'a présenté Sébastien Petit-Guenin, qui est le directeur du groupe Paprec, qui a déjà fait 4 Vendée Globe avec Jean-Pierre Dick. Donc il connaissait très bien ces aventures-là. En plus, la famille Petit-Guenin, avec l'entreprise Paprec, qui est une entreprise familiale, ils sont passionnés de voile. Et en fait, ça tombait que Paprec voulait faire le Vendée Globe, ils ne me l'ont pas dit directement. Donc Sébastien Petit-Guenin est allé voir Jean-Pierre Denis et lui a dit, écoute, nous on veut faire le Vendée Globe avec Sébastien, Simon, moi. Mais par contre, on ne veut pas y aller tout seul, on veut y aller avec toi. Donc en fait, Arkéa s'est fait renvoyer la balle dans son camp. Et du coup, Arkéa finit par dire, ok, finalement, on y va. Un concours de circonstances comme il en existe que sur le Vendée Globe. Ouais, je pense que tous ces projets de course au large, c'est pas des histoires de business, c'est avant tout des histoires humaines, des histoires de rencontres. C'est aussi ça qui fait la beauté de ces projets. Je pense que sans toutes ces rencontres et sans toutes ces interactions humaines et ces émotions qui sont véhiculées, je pense que ces projets, ils n'ont pas lieu d'exister. C'est aussi pour ça que c'est des fêtes populaires et que c'est des beaux projets et qu'en général, c'est des projets qui s'inscrivent dans la durée. C'est parce que ce n'est pas juste des histoires de partenariat ou de sponsoring sportif, ça va bien au-delà. On l'a dit, tu as donc cette écurie Vincent Rioux, tu as 2 sponsors solides sur lesquels t'appuyer, un historique du Vendée Globe et l'autre qui te suit depuis longtemps. Tu as un bateau neuf, il y a eu des soucis l'année dernière et au début de l'été avec tes foils, mais tu as quand même un bateau performant sur le papier. Est-ce que c'est confortable ces conditions pour préparer un premier Vendée Globe ? Est-ce que c'est les conditions quasi idéales pour préparer un premier Vendée Globe ? Je voulais un projet ambitieux sportivement, je voulais ni un projet outsider ni un projet aventure, même si je les respecte totalement parce que c'est aussi ce qui fait la beauté du Vendée Globe. Les gens font pas forcément la différence, enfin disons le grand public fait pas forcément la différence entre les premiers et les derniers. Preuve en est, c'est qu'il y a autant de monde à l'arrivée du premier qu'à l'arrivée du dernier. C'est ça qui est incroyable dans cette course. Mais c'est ton aspect compétition dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, j'ai un bateau de dernière génération, hyper innovant, forcément quelques déboires en ce moment et c'est pas simple parce que je voulais être positionné en tant que leader au départ de ce Vendée Globe. Malheureusement, avec tous les soucis techniques que j'ai pu avoir, ce sera probablement pas le cas. Je serai sans doute un outsider. Quoi qu'il en est, en tout cas, moi je reste déterminé et je suis certain que mon bateau a le potentiel pour gagner un Vendée Globe. Donc maintenant, ça reste une aventure qui est hors du commun. Je n'irai pas jusqu'à dire que je vais gagner le Vendée Globe. Maintenant, j'en ai envie. En tout cas, je pense qu'être à l'arrivée, c'est déjà une victoire en soi pour une course pareille. Donc, en tout cas, c'est sûr que j'ai la chance et j'en ai conscience d'avoir un partenariat comme ça, un bateau comme celui-là, et puis la chance d'avoir de faire ça. Maintenant, forcément, j'ai un peu d'appréhension parce que c'est des bateaux qui sont hyper sollicitants, hyper inconfortables. Même faire bouillir de l'eau, ça devient compliqué. Donc, voilà. J'attends de voir. En tout cas, je pense qu'il faut garder pour ces tours du monde une part d'insouciance. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une prime au bisu sur le Vendée Globe pour gagner le Vendée Globe. Voilà. Oui, 5 fois sur 8, c'est un bisu qui a gagné le Vendée Globe. Donc, c'est plutôt encourageant, ça. C'est peut-être prémonitoire. Ouais. C'est sans doute qu'il faut, en tout cas, y a pas faut avoir une part d'insouciance, je y a pense. Il n'y a pas l'évidence d'avoir fait plusieurs Vendée Globe pour le gagner. C'est pas, ça ne s'écrit pas comme ça. Quoi. C'est ce qui fait la particularité du Vendée Globe, c'est que la course au large, c'est un sport d'expérience, et pour autant, le Vendée Globe réussit au bisu. Parce qu'il peut se passer plein de choses de bout en bout de la course. Exactement. Tu parlais d'appréhension de ce que tu vas vivre sur ton bateau. Est-ce qu'il y a aussi du fait que tu sois, que ce soit parmi les favoris ou outsider, juste derrière les 4-5 grands favoris, il y a quand même une pression qui va reposer sur tes épaules, ça, comment tu le vis en tant que sportif ? Est-ce que tu l'assumes complètement ou est-ce que tu la ressens quand même ? Oui, il y a une pression, clairement. Je n'irai pas qu'elle est vraiment présente. Tu l'as choisi depuis le début, enfin, tu le sais depuis le début en tout cas. Oui, je le sais depuis le début parce que, comme je l'ai dit, c'est une course qui me véhicule beaucoup d'émotions parce que c'est une course qui me tient à cœur et parce que c'est quand même un événement extraordinaire. Par contre, la pression, clairement, je me la mets moi-même parce que j'ai envie d'offrir ça à mes partenaires, leur prouver qu'ils ont eu raison de me soutenir. En tout cas, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, même dans les moments difficiles. Et c'est quand même incroyable, ça me touche énormément. J'ai envie de faire ça pour moi, parce que voilà, je navigue pas juste pour naviguer. C'est pas ça qui me fait kiffer. Enfin, en gros, c'est moi, ce qui me passionne, c'est la compétition, c'est le fait de faire des bons résultats, c'est le fait de me défoncer, en gros, pour parler assez vulgairement, mais voilà, de donner le meilleur de moi-même. Et puis j'ai envie de faire ça aussi pour mes proches et voilà, que les gens soient fiers de moi et en fait que même Benjamin Dutreux soit fier de moi. Hein, donc en tout cas c'est un projet, des fois il m'arrive de me réveiller la nuit pour aller travailler parce que j'ai que ça dans la tête, hein, clairement. Je pense à rien d'autre, tous les jours ça me hante. Depuis combien de temps ? Depuis 3 ans pratiquement ? Bah, depuis que je fais du Figaro, c'est, oui. Voilà, c'est des projets qui me hantent et... Mais en fait, j'ai ça à l'esprit en permanence et j'arrive jamais à décrocher. Pour connaître le bonhomme, je pense que la pression, il se la met déjà bien tout seul, quoi. C'est quelqu'un qui aime pas décevoir, quoi, et qui est capable de se mettre à 200% dans un projet. Et voilà, du coup, je suis sûr qu'il va y arriver. On va revenir se poser justement sur cette année 2020, on va parler du projet de Benjamin. Je crois que tu as failli d'ailleurs avoir un sister ship, un bateau identique à celui de Sébastien. Il y avait eu une histoire comme ça à un moment Il y a eu une certaine discussion et un moment où on en avait discuté. Seb disait, bah voilà, moi, les moules sont faits, peut-être qu'il y a une solution, etc. Donc en effet, j'avais aussi été voir Vincent avec le concours de Seb forcément pour dire bon bah voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose et donc histoire de poser les budgets sur la table et on avait une piste qui pouvait nous amener à ça. Bon, ça s'est pas fait, mais en ça effet ça aurait été un clin d'œil supplémentaire dans vos parcours parallèles. Oui, c'est que ça aurait été chouette et je pense que c'est qu'en plus on sait travailler ensemble donc c'est que ça aurait pu être aussi un moment de travail qui aurait pu nous porter vers le haut. Mais c'est ce qui m'a d'autant plus motivé à passer le cap et à dire je vais pas le laisser faire le tour du monde tout seul, quand même ça se fait pas, quoi. En fait, j'ai senti un moment que ce rêve auquel j'avais même pas pensé, en fait, auquel j'avais même pas imaginé, pouvait être accessible, quoi. Et donc voilà, après ça a été une grosse discussion aussi entre tous nos partenaires et le vrai déclic, ça s'est fait surtout avec un de mes partenaires qui s'appelle Sateco. Donc avec François Guillotot, on en a parlé, je lui ai expliqué le projet, etc. Il m'a aidé à monter le projet, en tout cas à y réfléchir. Qui était déjà avec toi en Figaro ? Qui était déjà avec moi, c'était mon sponsor majeur en Figaro. Donc voilà, on a fait quelques années ensemble déjà en Figaro. On a pu signer quelques belles performances sur la dernière année, quoi. Et voilà, lui en tout cas, ça l'a motivé. Il a senti qu'il pouvait y avoir un super élan aussi dans ses équipes. Et donc voilà, il m'a clairement dit, si tu y vas, en tout cas, on te suit. On pourra pas être un sponsor majoritaire. On est une PME, mais voilà, si tu y vas, on mettra la main à la pâte au début où le projet sera compliqué et on y croit, voilà. Et en fait, tous mes partenaires ont eu aussi cette manière de m'amener les choses. Donc on a commencé à regarder les bateaux d'occasion, de se dire, et si on faisait un Vendée Globe, mais pas forcément pour gagner, et si on faisait un Vendée Globe pour justement faire le premier, le tour du monde, ce rêve-là, et du coup, voilà, est-ce qu'on peut raconter cette histoire ? Et donc, tu es allé chercher un bateau à l'autre bout du monde. Et donc, on est allé chercher un bateau au Japon. C'était assez marrant parce que Thomas Cardrin, le responsable du bateau actuellement, qui est aussi un très bon ami, a dit, je sais qu'il y a un bateau qui est plutôt un bon bateau, l'ancien bateau de Kojiro, mais il est au Japon. Fait le Vendée Globe 2016, qui a abandonné en cours de route, mais c'est un bateau du Vendée Globe 2016. Et donc, une semaine après, je crois que j'ai dit à Thomas, je leur ai réservé des billets, Thomas et Bayan, donc Sébastien Souchet, qui m'accompagne sur le projet. Allez voir le bateau, quoi. Allez voir le bateau, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Et ils sont allés au Japon. Ils sont revenus, ils m'ont dit écoute, je pense que le bateau est très propre. Bon, il faut qu'on fasse un mât, il y a un peu de boulot, mais je pense que c'est un des meilleurs bateaux de sa génération. Parce que pour moi, ça a importé aussi d'y aller quand même aussi pour la compétition, quoi, qu'il y ait un vrai projet sportif aussi derrière. Et donc, ils sont revenus, on a discuté, on a un peu galéré à trouver des financements avec les banques. C'était quand même vraiment pas simple parce que déjà on était une toute petite équipe. Certes, on avait monté une entreprise à côté qui tournait, mais pas de quoi non plus payer un Nyoka, quoi. Donc, c'était assez compliqué d'aller chercher des financements. Finalement, on a trouvé une banque, le Crédit Agricole, avec qui on a travaillé pour ces financements et qui nous a accompagnés sur le financement du bateau. Et en gros, tout s'est accéléré en 3 mois. En fait, tout s'est accéléré super vite, quoi. Donc, approximativement, il y a un an, en fait. Ouais, en fait, le bateau, on l'a récupéré au mois d'août, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, donc le bateau, on l'a récupéré au mois d'août. Et donc, derrière ça, Sébastien parlait tout à l'heure d'obstacles qu'il y a à franchir. Donc, tu récupères le bateau. Il y a le retard sur le mât derrière en septembre. Puis après, Transat Jacques Vabre. Donc, tu fais la Transat Jacques Vabre, tu arrives au Brésil. Et dans la baie de Salvador de Bahia, il y a une navette, c'est ça, de touristes qui percutent et qui endommagent ton bateau. Oui, en fait, des projets comme ça, c'est nourri d'embûches, quoi. C'est des problèmes qui nourrissent aussi en expérience les équipes. Qui construisent. Qui soudent aussi en général. Tout le monde y a mis du cœur en fait dans ce projet, quoi. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait je suis pas le seul skipper à dire j'y ai mis du cœur. Tout le monde y a mis de son esprit d'entreprise pour y arriver. Et après la vedette à passager qui nous percute alors qu'on avait fait une superbe course et que j'allais rentrer en solo. C'est un moment dur, mais encore un moment dur qu'il faut surmonter. Et voilà, mon objectif c'est encore le Vendée Globe. Donc nous on met pas le bateau sur un cargo. Oui, on va le réparer provisoirement et on va rentrer au sable pour faire la qualif. Donc voilà, il n'y a pas non plus que les gros projets qui ont aussi des soucis. Nous aussi, les petits projets, ça arrive. Mais bon, après, quand on écoute toutes les anecdotes, franchement, que les marins un peu reconnus nous donnent pour nous remonter le moral en disant « Non, mais tu sais, en 92, il y avait... » Eh bien, en fait, on se dit « En fait, c'est qu'une expérience parmi tant d'autres. » Il n'y a pas un projet Vendée Globe qui se passe tout droit comme ça, sans virage. Non, je pense que... Virage, oui, après, chacun communique comme il veut. Je pense qu'il y en a qui peuvent communiquer comme quoi il n'y aura jamais de soucis sur leur projet. Mais en effet, je pense que c'est impossible. Quand on voit toute l'énergie qui est, les bateaux qu'on fréquente, qui sont des bateaux... qui sont quand même pas simples à manier en solitaire, forcément il se passe des trucs, quand on prend des risques comme le projet de Seb ou les projets de bateaux dernière génération, quand on prend des risques de développement quand même pour aller plus vite, forcément il se passe ça peut pas être un long fleuve tranquille, quoi. Bien sûr, tout doit se préparer avant, c'est quand même des projets où c'est un tour du monde, c'est quand même pas anodin, on n'y va pas à la fleur au fusil comme ça, il faut bien se préparer, il faut bien tout anticiper. Imaginez les pannes les plus saugrenues. Enfin, moi, il m'est même arrivé au retour de la Transat Jacques Vabre d'avoir des problèmes de moteur. On m'a dit, ça n'arrive jamais. Forcément, c'est tombé sur moi. Le nombre de fois où j'ai entendu ça depuis un an et demi, c'est que soit j'ai la guigne, soit il se passe un truc. Mais... Donc non, c'est sûr que c'est pas des projets simples et il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous décourager. Au final, on est encore là, Benjamin comme moi, donc... Mais voilà, on est toujours là parce qu'on est passionné, parce que c'est un rêve aussi, et puis on se rend compte qu'on a vraiment de la chance de faire ça. On n'est pas à plaindre, je pense, parce que on évolue quand même dans des environnements qui sont incroyables. Enfin, moi, on me demanderait de travailler dans un bureau H24, je pourrais pas. Déjà, ma capacité de concentration est pas bonne, et en plus de ça, Je supporte pas rester enfermé, donc voilà, j'ai besoin d'être en plein air, j'ai besoin de m'épanouir sportivement, j'ai besoin de me dépenser, et même là, mon bateau est en chantier, et j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur l'eau, même s'il m'est arrivé des choses qui me dépriment encore aujourd'hui, qui me mettent la tête sous l'eau, j'ai encore qu'une seule envie, c'est de retourner naviguer et puis de vivre de ma passion, voilà. Juste pour rappeler le côté sympa aussi qu'on a avec Seb, c'est qu'on arrive aussi pas mal à soutenir tous les deux dans les coups durs et on en a eu quelques-uns même depuis le Figaro et c'est toujours sympa de pouvoir parler à un copain qui comprend aussi ce qu'on vit, quoi. Donc c'est, voilà, ça solidifie encore plus notre relation, je pense. Vous allez tous les deux en plus faire partie des, je crois, être les deux premiers skippers vendéens, natifs de Vendée, à participer au Vendée Globe, si je dis pas de bêtises. C'est une fierté en plus. Ouais, moi je suis pas natif de Vendée, mais je suis vendéen c'est vrai. De T'as grandi en Vendée. Voilà, on t'adopte. Je suis vendéen de longue date, c'est sûr, et j'ai toujours défendu les couleurs vendéennes depuis que je navigue, quoi. Quand on était gamin, on se battait avec les Bretons et les Sudistes ou les Rochelais, et nous on restait, on a eu quelques offres à droite à gauche, mais on est toujours resté en Vendée au Soile-Dieu ou au Cercle Nautique de Fromentine, à l'époque je naviguais là-bas. Aujourd'hui je pense qu'on est tous les deux assez d'accord, on fait partie du club des sports nautiques sablés là, et on est tous les deux assez d'accord pour dire qu'on espère qu'il y a un maximum de jeunes qui vont naviguer, et si on peut les faire rêver, essayer d'amener un peu, leur montrer que tout est possible, on le fera, quoi. Sébastien, donc du coup t'es le seul natif vendéen, né en Vendée, à participer au Vendée Globe, c'est une pression, une fierté? Ah, c'est pas une pression et je le fais pas pour ça, mais c'est sûr que c'est... Ouais, je suis plutôt fier d'être le premier vrai Vendéen à faire le Vendée Globe. Après, vrai Vendéen, t'as entendu, Benjamin. Ça me choque pas quand Benjamin Dutreux dit qu'il est Vendéen parce qu'il a grandi ici et puis il est là depuis tellement d'années que je pense qu'il a peu de souvenirs de quand il était dans le nord de la France. Donc non, ça me choque pas du tout et au contraire, je suis plutôt fier et c'est encore un beau clin d'œil, comme quoi finalement on arrive à toujours se rejoindre sur certains domaines. Mais non, ça me met pas la pression, au contraire, je trouve que c'est assez sympa. Le Vendée Globe, il existe depuis 1989 et il n'y a jamais eu de vrai Vendéen à faire cette course, donc c'est assez incroyable. Ça a été un argument auprès de mes partenaires, c'est assez marrant, c'est un axe de communication, on en fait ce qu'on veut. En attendant, moi je suis concentré sur le Vendée Globe, pas sur le fait que je sois Vendéen pour faire cette course. Mais malgré tout, tu es quand même attaché à la ville des Sables, enfin c'est pas un hasard si ton projet est pas ici, mais tu vis quand même en partie ici. Non, mon projet est pas ici pour la simple et bonne raison que moi les opportunités elles se sont créées en Bretagne par des partenaires bretons et par la région Bretagne aussi. Les Bretons ont voulu m'adopter et je leur en suis vraiment reconnaissant parce que voilà, c'est grâce à eux que j'ai mis un pied dans la course au large et qu'aujourd'hui je suis complètement mordu et passionné par la course au large. Mais par contre, oui, c'est sûr que moi, ma famille, j'ai grandi en Vendée, ma famille est en Vendée, j'ai cette maison qui m'appartient et qui est une maison que mon grand-père a construite. Donc dès que je peux y passer un petit peu de temps, c'est ici que je me sens le mieux. Et puis c'est aussi ce qui me permet de décrocher un peu de la voile, parce que comme je disais, c'est des projets qui nous hantent l'esprit, clairement. Et donc le fait de pouvoir décrocher un petit peu et d'aller vers un autre univers, ça me permet de me ressourcer aussi. Est-ce que justement, étant donné que ce projet est hyper prenant et qu'il demande beaucoup d'investissement, est-ce qu'on arrive quand même à prendre du recul et à réaliser ce qui va se passer dans quelques mois et que c'était ce dont tu rêvais il y a des années? Ce qui se passera dans quelques mois, je trouve que c'est un peu dur de prédire. On peut spéculer autant qu'on veut, mais je pense que c'est quand même pas terminé. Il y a 4 mois, si on nous avait dit qu'on en serait là aujourd'hui, on ne l'aurait pas cru. Et en même temps, dire ce qui va se passer dans 2 mois, on ne le sait toujours pas. Donc voilà, il faut rester humble parce qu'il se passe des choses quand même qui sont assez graves et des choses qui sont certainement plus importantes que nos petits projets et que notre passion. En attendant, on vit les choses comme elles se présentent, en tout cas on les vit à fond. Mais c'est sûr que ouais, j'y pense. Hein. Moi je suis focus sur cet événement qui se déroulera le 8 novembre 2020, qui est le Vendée Globe et qui est aussi mon rêve. En tout cas je m'y prépare sérieusement, j'y pense tous les jours. Et en même temps, j'essaie de m'en détacher un petit peu parce que le fait d'y penser tous les jours, c'est quelque chose qui me met beaucoup de pression, qui me stresse énormément. Et en fait, j'ai plutôt envie d'essayer de savourer ce qui va se passer et d'en profiter. J'ai pas envie de me polluer l'esprit et de me faire des nœuds à l'estomac parce que ça en est parfois pas loin. Donc voilà, je préfère essayer de savourer le temps qui me sépare de mon rêve et essayer d'en profiter à fond. Par exemple, le dimanche matin du 8 novembre, l'émotion du départ, tu t'évites de te projeter là-dedans pour le moment ? Si, justement, j'y pense tous les jours, mais j'essaie de moins y penser, voilà, en faisant d'autres activités, en essayant de penser, enfin, de me distraire autrement. Mais c'est pas facile, c'est quand même un vrai combat aussi. Benjamin, un peu la même question. Est-ce que tu arrives à décrocher de cette concentration permanente sur ce que va être le Vendée Globe 2020 ? Oui, j'arrive à décrocher tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais oui, j'y pense de temps en temps. J'y pense, je me dis ça va être un truc de ouf. Dans quelques mois, je pars pour le départ du Vendée Globe, le tour du monde, etc. Notamment là, quand j'ai fait le convoyage de Brest, retour de Brest, je me disais, je faisais une manœuvre en solo et tout, et je me disais, moi, c'est chouette, quoi. Enfin, c'est dingue. Dans quelques mois, je pars tout seul sur le bateau. Mais sauf que je vais pas rejoindre les Sables d'Olonne. J'arrive pas dans 24 heures. J'arrive. Donc ça c'est assez fou. En même temps, j'ai donc voilà, j'ai pas le temps d'avoir cette appréhension. En même temps, les appréhensions, c'est normal. Quand on sait pas ce qui se cache derrière une porte et qu'on doit ouvrir la porte, eh ben on est un peu stressé, on est un peu tendu, on sait pas ce qui va s'y passer. On sait pas les gens qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours. On sait pas les gens qu'on va rencontrer. Et donc moi, je suis jamais allé dans les mers du Sud. J'ai jamais fait une course de plus de 17 jours. Là ce sera beaucoup plus. Voilà, et donc là ce sera une vraie première. Et en même temps, c'est ce qui me motive énormément de vouloir y être, c'est d'aller pousser la porte et voir ce qui s'y passe. Donc cette appréhension nourrit en même temps mon envie d'aller découvrir de nouvelles choses et d'aller aussi se dépasser, quoi, tout simplement, parce que c'est aussi des courses qui vont nourrir beaucoup de dépassement de soi. Et de partager ça avec tous les gens qui nous suivent, ça va être assez incroyable, je pense. Merci à tous les deux, merci Sébastien, merci Benjamin. On a hâte de vivre avec vous ce départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain, chez vous, ici même, au Sable d'Olonne. Ce sera un grand aboutissement pour vous. Je vous souhaite évidemment bon vent. Merci en tout cas d'avoir accepté de raconter votre belle histoire commune dans ce podcast. Merci aussi à vous qui venez de l'écouter. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous allez relayer cet épisode partout autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Sachez que le podcast est en ligne sur toutes les plateformes de diffusion, donc c'est super simple de le partager. Je vous encourage aussi à vous y abonner, à le noter, à le commenter, et vous pouvez même le faire directement sur Twitter. Le compte, c'est CapVG20. Et puis, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont rendu cet enregistrement possible. Sébastien, déjà, qui nous accueillait chez lui aujourd'hui. Marie Fraleux et l'agence Éphémère. Et la réalisation de ce podcast a été assurée par Louis Chabin, avec l'aide de Mathieu Viguier et du studio Cude. Le mois prochain, on se retrouvera bien sûr pour un nouvel épisode, une nouvelle belle rencontre et une nouvelle belle histoire de Vendée Globe. À très vite.